menace-t-il dans le gouvernement ? Ah voilà, on était mélangés dans le petit board pour les caméras ici. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 98 de La Jazette, propulsé par Yonk Media, pendant que GF ici a des problèmes d'écouteurs. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien, GF. Tu peux gosser avec le fil peut-être. Donc, voilà La Jazette. Hey, on n'est même pas bien cadré, ça va, on a start ça tout crush ce podcast-là. Donc, cet épisode, ce podcast, GF, de discussion ouverte. Tu es correct? Non. J'ai pas plus de ça. Ben, peut-être, tu peux, on va... Excusez-nous. Tu veux qu'on reparte le show, c'est quoi? Ah, ça a fonctionné. On est correct. C'est beau. Faut juste que je touche avec mes doigts magiques. Ouais, c'est ça, tu m'as sauvé. Voilà, donc, autour du bar pour jaser ce soir, moi-même, Jeff Kromp, accompagné de Jeff Mallette. Yes. Voilà, on est post-épisode 92 de la soirée du podcast, et puis on vient vous jaser de tout et de rien, comme ça. On est en direct sur Facebook, le Facebook Live de La Jazette, ainsi que Twitch.tv/YonkMedia. Donc, si vous êtes sur Twitch, on vous invite à nous jaser. Si vous êtes sur Facebook aussi, d'ailleurs, je sortais hors caméra comme ça pour aller cliquer pour qu'on voit les commentaires Twitch. Fait que voilà, Jeff, on va prendre tout ça pendant le live. On passe la prochaine heure avec vous, les gens, comme ça. Faisons un petit bout. On t'a dit pour une jazette, ça faisait un bout quand même. Là. Un peu plus qu'un mois, c'est quand je suis revenu et j'ai parlé de Disney pendant une heure et demie. Ouais, là, c'est ça. Inquiétez-vous pas, c'est terminé parce que je n'ai plus d'argent, on peut plus faire ça pour l'instant. Donc, vous avez un break d'une couple d'années de m'entendre parler de Disney, c'est sûr. Yeah. Mais on a d'autres choses à parler, GF. Oui. Et, toi, GF Gotchar, vendeur d'auto dans l'absolu, j'aimerais savoir ce que tu penses des caméras de recul sur les autos maintenant. C'est obligatoire. C'est obligatoire? Oui, parce que dans le fond, l'organisme s'occupe de la sécurité routière. Ils ont obligé les manufacturiers d'instaurer les caméras de recul sur tous leurs véhicules sans exception. Ah ouais, je savais pas ça. Fait que on n'a pas juste de vie avec ça. C'est fun, mais l'hiver, là, c'est un peu de la calisse de mars, cette affaire-là. Ben, tu sais, on n'a pas été habitué d'avoir la caméra de recul. Fait que faut pas oublier que ça aussi, faut que tu l'essuies l'hiver. Puis là, cette année, on y goûte en crise. Oh, mais qu'est-ce que tu essuies d'autre sur ton char à part tes vitres ben, en avant? Mes vitres en avant, mes vitres en arrière. Tu les essuies pas toi-même? Tu passes le... Ben, avec le balai, j'enlève la neige puis tout. Là. Ah, ouais, mais c'est parce que l'autre, c'est pas juste ça. Faut que tu mouilles ton doigt puis tu nettoies la... Ah, moi, j'ai mon gant North Face à 55$ que j'ai acheté au Sport Expert. Puis je fais juste comme les ceux qu'on pousse. On a-tu une plug de Sport Expert? Non, mais je vous invite à visiter le nouveau magasin qui va au quartier 10-30 qui va ouvrir cet été. Ça va être le plus gros de Maison. T'as-tu des pâches, Sport Expert? Non, c'est une pute de même. Là, je les aime. C'est des anciens collègues. Mais ouais, je suis un petit peu écœuré d'aller nettoyer ma caméra de recul tout le temps. Tu peux pas inventer genre un lave-vite qui coule dessus, quelque chose? Là. Écoute, ça serait hallucinant, mais ça serait petit en crisse. Là. Ouais. Dans le fond, JF, juste comme... C'est des problèmes de riches. Avec ton gant. J'ai pas de gants, moi. Comme ça, t'as pas de gants. Parce que je suis hardcore l'hiver. Chris, l'hiver, ça prend des gants. Non, moi, j'aime ça aller déblayer mon chat quand il y a un pouce de glace, puis après ça, aller gratter la glace, puis que je m'ouvre les jointures en frottant. Moi, j'ai reçu un cadeau de Noël. C'est mes gants North Face à 55$ au Sport Expert. Tu vois, tes plaques d'ombre, t'as mal pris ton cadeau de Noël? Non, je sais, parce que c'est moi ce qui ai dit à personne. C'est là que t'es pogne. Puis, GF, non seulement, genre, je peux me servir de mon téléphone intelligent avec mes gants, parce que mes gants sont, genre, compatibles au tactile. Je conduis avec des gants à cette heure même à cause de ça. J'ai plus fret aux mains. T'as pas un volant chauffant? Non, j'ai pas cette option-là dans mon camion. Calme. Mais tu l'as-tu, toi? Non. Je paierai pas pour ça, certain. Mais mets-toi des gants, si. Non, j'aime ça avoir les doigts blancs quand je conduis, moi. Quand tu pelles, GF, tu mets-tu des gants? Ça dépend, mais en général, oui. Là. Mais pourquoi t'es gardes pas? Ben parce que quand je vais pelleter, c'est rare que je pelle puis j'embarque dans mon auto. Souvent, moi, je suis un gars qui travaille chez eux, là. Fait que je pelle plus, là. Je pelle, mais. Quand ça me tente dans mes temps libres. OK, fait que tu mets tes gants parce qu'il y a comme une action snow, que tu vas faire. Je mets mes vrais gros gants d'hiver pour aller pelleter. Là. OK. Mais j'ai pas le goût d'aller conduire ces gants-là, c'est trop gros. Là. Tu peux pas aller à l'épicerie avec des gants de main, genre? Ben, à l'épicerie des enlèves, tes gants. Anyway, c'est ça que des gants dedans, Steve. Non, mais tu sors de dehors? Ah, non, mais quand... Ah, mon Dieu. On était en train de parler de gants depuis 10 minutes. Des gants North Face à 55$. Ouais, mais ça, parce que j'étais offusqué, j'avais peur pour tes doigts. Ah, ça fait 3 ou 4 fois que je me coupe cet hiver sur les jointures puis sur le dessus des mains en déglaçant avec pas de gants. Ça arriverait-tu avec des gants? Probablement pas. Bon, mais je pense que je déchirerais mes gants. On va cotiser. Moi, j'ai des gants qui sont des... Patreon, on va y acheter des gants. Fun fact, j'ai des gants. Mes gants d'hiver, comme tu sais, pour conduire, c'est des anciens gants à Dave qui m'a donné, il y a genre 12 ans. Là. Pourquoi il t'a donné ça? C'est-tu un cadeau ou c'est juste qu'il ben, il voulait plus? C'est parce que j'avais oublié mes gants parce que je suis un genre à pas amener mes gants nulle part. Fait que, probablement qu'il m'a passé des vieux gants et m'a dit garde-les. Puis j'ai dit, c'est mes gants depuis ce temps-là. Dans le fond, t'avais pas de gants quand il les a donnés. Mais j'ai tout le temps des gants, ils sont tout le temps chez nous. Je les oublie, je mets pas ça, les gants. Ah ouais, ça quand même, Jeff, tu savais. Je mets pas de sucre non plus, j'aime ça avoir fait. Fais attention. Non, mais me brûler à la face parce qu'il fait moins 40 dehors, j'aime ça. Ben quand tu vas faire du snow, là. Non, là, c'est pas pareil. Là, je suis hyper équipé en snow, là. Ok, là, genre, on voit pas ta peau, là. T'as l'air de ninja. Non, on voit rien. Ben, surtout quand il fait vraiment, vraiment frette, là. J'ai mon cache-cou, j'ai une cagoule qui m'arrive jusqu'au nez aussi. Ben, t'as dit justement. Justement parce qu'il fait vraiment fret. Chris, quand il faisait moins 40, là, ouais. Une couple de semaines, Jeff, tu mettais pas de gants, c'est-tu, pour aller dehors? Je n'allais pas dehors. Tabarnak. Je restais en dedans. Ouais, mais il fallait que tu ailles, Chris, faire l'épicerie, c'est-tu, faut non, que tu fallait... Ben oui, mais comme le temps de rentrer et d'être dans le char. Je mettais les gants à Dave, probablement. Là. Probablement, tu t'en souviens pas. Je sais pas, moi, je chante vraiment pas souvent, je m'en rappelle plus. C'est tellement pas intéressant ce qu'on raconte là. Ah, c'est désolé. Ah, mais ouais. C'est ça, ben, tout ça pour c'est dire ça que. C'est ça qu'on est en vague de froid en ce moment. Là. C'est... Ouais. Ça arrête plus l'hiver au Québec. On n'en parlera pas parce que c'est à faire un podcast plat en calice. Mais... Non, c'est ça, mais dans le fond, tout ça pour dire on que. Y goûte, on y goûte. Les caméras de recul, c'est. C'est obligatoire. Ah, ouais. Ça, je... Ouais, c'est la raison pourquoi. Hey, c'est rendu à cette heure qu'il y a des caméras qui vont te donner une vue du véhicule sur le dessus pour que tu puisses t'aider à te parker parallèle. Ben, ça, c'est un petit peu ridicule. Là. Ah, c'est rendu fou, là. Toutes des chars à 100 000. Mais la caméra de recul, j'ai comme quand même un seuil de tolérance que je la toffe sale, puis je la regarde plus, puis je suis comme là, ça va faire. Là, ben, tu sais, on n'a jamais, tu sais, comme dans la fin, après, on a à conduire sans, sans ça. Ça. Hein. C'est plus manuel, là, c'est la de... nouvelle génération qui apprennent leur permis cette année, là. C'est... Je m'en ai des vieux chars, Jeff. Je m'en ai des chauffeurs manuels. Il y en a quasiment plus, puis ça coûte plus cher à cette heure, chez manuel. Ah, c'est, écoute, c'est super rare parce que dans... c'est quasiment plus disponible. Ben oui, dans le temps, tu payais moins cher en achat manuel. À cette heure, c'est automatique quasiment de base pour tous les modèles. Ça me gosse parce que toutes mes autos avant, celles que j'ai là, c'était des manuels, fait que je me sens un peu pépère sur la route, même si je conduis correct. Ton char est manuel? Non, il est automatique, mais tous mes autres chars avant étaient manuels. C'est vrai parce que l'autre que tu avais avant était manuel. J'avais une Sion avant ça. Ouais. Avant ça, j'ai eu une Yaris, puis avant ça, j'ai eu une Cavalier, Chevrolet Cavalier, mon premier char, qui est mort sur le tournage du Parking 2. Puis ça, c'était tout manuel. C'est tout manuel, ça, là. T'es des rares parce que même puis, moi... Puis quand j'ai acheté la Cavalier, quand j'ai eu mon permis, je l'ai acheté manuel, puis je savais pas conduire manuel. Ah, c'est tabarnak. J'avais pris un code d'une heure avec Dave, justement, dans le problème qu'il m'avait passé les gants. Puis, puis t'as catché, puis tout. Ben, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai tout fait, j'avançais, j'ai réussi à tout faire. Puis c'est ça. J'étais acheté un char manuel, j'avais jamais conduit vraiment manuel plus qu'une heure, puis j'ai appris sur le tas. Puis mon père me suivait en sortant du concessionnaire, puis j'ai installé une lumière verte au complet. J'étais comme en avant, puis c'était comme je partais, j'ai tout fait. Voyons, toi, Chris, ouais. Tu capotais-tu? Ben, j'étais comme un petit peu nerveux, comme Chris, j'étais pas capable de trouver le ton père était en arrière. Mon père était en arrière pour s'il y a des fuckés qui claquent ça. Ils veulent te battre, là. C'est ça. J'étais comme, calisse, mais. Ben, tu sais, les jeunes connaîtront plus ce stress-là. Ouais, c'est ça, parce que là. D'être près de lumière, puis d'être pas capable de shifter comme du monde en première. Écoute, je pense qu'on va arriver à un temps où ce que les profs de conduite ne seront même pas chauffés manuels. Ah, ça se peut. Ils ne te regarderont même plus, ils vont checker sur un iPad. J'ai une blessure au cœur la semaine passée parce que, dans le fond, on parlait de vieux films avec mon fils. Et puis, j'ai dit « Ah, ça, papa, il l'avait en VHS. » Et il m'a demandé c'était quoi, c'est-tu. T'aurais dû dire en Laserdisc. J'ai dit « Ah, ben ça, c'est une cassette. » Puis quand que tu devais écouter le film au début, fallait que tu le recules. Et là, ça va cerveau exploser. On est rendu là. Fait que tu prends du temps pour placer la cassette en « Ouais ». Ben, Chris, on avait un rewinder, nous autres. Hey, parlant de cassettes, il y a Musique Plus qui ferme ses portes. Ben cet oui, été. Chris. Hey, honnêtement, là, je pensais que c'était déjà fermé, moi. Ouais, ben, c'est officiellement, c'était pas fermé, mais tu sais, c'est. C'était quoi le contenu qu'il y avait là? Des téléséries américaines traduites. C'était plus des téléséries que des, mettons, de la musique. Ouais, puis il y a plus tant de production originale. Ils ont coupé Monsieur Net, ils ont coupé toutes les bonnes émissions dans le temps. Fait moi, pour moi, le dernier fleuron qui restait du bon vieux Musique Plus, c'était Monsieur Net qui ont coupé il y a 5 ans. Ça fait cette semaine, je pense. Ça fait un bout de pareil. Fait que ça fait déjà 5 ans. Puis avant ça, pour moi, c'était comme ça faisait déjà 5 ans que c'était pas mal mort, ce canal-là. Fait que c'est plate parce que j'ai plein de beaux souvenirs, moi, de Célibataire est nu. C'est Antoine Stick qui dit Célibataire est nu, passe à Musique Plus. Là ou avant? Mais ça a dû passer avant parce que ça va fermer. Là. Ça jouait sûrement avant 11h. Puis on a Zendaya qui dit que tous les futurs jeunes vont avoir des voitures intelligentes et n'auront jamais le plaisir de savoir conduire. Ça, c'est vraiment maudit. Là. Ouais, mais il y avait de l'espoir parce que dans Demolition Man avec Sylvester Stallone, il y avait des Mustangs qui étaient cachés dans les égouts. Ah, dans les égouts, c'est des gros égouts qu'il y avait quand même. Ouais, ben c'était une révolution, fait qu'il mangeait, il était tout là, puis il mangeait un hamburger au rat. Mais c'est vrai, la satisfaction de chauffer un char manuel, c'est quelque chose de différent de, d'un char full équipe qui fait juste être plein de pitons, puis qu'il avance quasiment tout seul ton char, là. Ouais, parce que, écoute, on a déjà des régulateurs de vitesse intelligents, où ce que le, quand t'es en cruise control, puis un char en avant, mais il ralentit, puis il repart. Ouais. Fait que tu pourrais quasiment... Quand, quand tu colles une ligne, il te ramène dans ta zone. Ben, c'est ça, fait que tu pourrais quasiment prendre une sieste dans le char pendant qu'il fait ça. Mais je sais pas, me semble que j'aurais pas confiance. Ma Corolla, elle a un mode éco dessus, là. Genre écologique. Ben, c'est bon pour la vie, mais ça, pour être honnête... Ça me dit comme, faut pas que j'accélère trop vite, là, pour pas gaspiller trop de gaz, là, puis... Ben, écoute... Fais, je sais pas si tu as sûrement une affaire ou un indicateur de consommation d'essence dans ton véhicule que tu peux avoir en litre. Fais juste faire le test avec ça puis sans ça. Ça fera pas de différence. Puis tu vas voir que ça va te donner même pas 0.01 de litre au 100. C'est là que la Corolla, j'ai un piton sport dessus. Ça fait juste faire bim! Ça fait juste faire du bruit. Là. Comme une tondeuse. Je peux accélérer un bon 1 seconde et 3/4 pour dépasser quelqu'un. Puis c'est à ça que ça sert. Le Est-ce que le devant du char lève? Non, mais le derrière, il doit rentrer en dedans. La meilleure chose de Musique Plus, c'était les vidéoclips de métal. Ouais, ben, toutes les vidéoclips en général, c'est Antoine Sty qui dit ça. C'était la belle époque. Je me rappelle. Ben, c'était la source pour écouter les vidéoclips. Dans le temps qu'on a avant, mais tu sais, YouTube a tué Musique Plus puis toutes les postes de musique. Ouais, là, parce ça, que parce c'est que là. Que tout est accessible. Avant, il fallait que t'attendes, puis là, t'es là toutes maintenant. C'est ça, tu le vois le vidéoclip de tel artiste le soir, mais c'était, mettons, dans le top 6. Tu sais. Hey, te rappelles-tu, le 31 décembre, il y avait le top 100 Musique Plus? Ben, moi, c'était comme... Moi, je l'enregistrais tout le temps sur une VHS, puis j'écoutais ça après ça, parce que c'est là que tu avais toutes les meilleures clips de l'année, fait que tu pouvais les réécouter. Ben, puis tu pouvais cibler les cassettes que tu voulais t'acheter. Ouais, ou bien, si t'étais un peu hacker comme moi... Des enregistrés sur une cassette? Ben oui, mais tu t'enregistrais le top 100, puis là, t'avais les 100 meilleures chansons, puis après ça, tu pluguais la sortie audio du VHS dans un enregistreur de cassette, tape cassette. Puis là, tu faisais record, puis tu faisais play, puis là, tu étais capable de faire ça. Fait que c'était... Je faisais du montage dans le temps avec ça. J'avais des soundtracks, puis je mettais ça par-dessus des VHS. Ça faisait bien du filage. Bien du filage, bien du gossage. Ben, c'était le fun. Ça fonctionnait. Le top 100. Je pense que je l'ai encore, le top 100, en plus, dans mon garde-robe en bas. Ça, puis je pense que j'ai une cassette encore du Grand Albo. La belle époque de Musique Plus. C'est des souvenirs que tu gardes. T'sais, c'est là que, mettons, on a connu pour la première fois Véronique Cloutier. Moi, j'étais comme un incubateur de jeunes VJ et de monde qui pouvait faire un peu n'importe quoi puis essayer des trucs. Louis-José Hood, Delora Clip, le Gros Luxe, tu sais, c'est... Ouais, puis il y a eu Mike Ward puis Patrick Gros aussi qui avaient leur show, les deux Mongols. Là. Non, c'était oh, fuck, c'est quoi le nom de ça? Le Gros, là, avec... non, c'était avec... Jean Blanc. Ben, tu sais, ça aussi, c'était bon. Puis, s'il y a quelque chose que je voulais dire, tabarnak, par rapport à ça, Musique Plus, là... ah oui, moi, à l'époque, là, j'avais comme un film pour Anne-Marie Wittenshaw. Elle était là aussi. C'est là qu'elle a commencé, la fameuse Abeille Gélina aussi. Ouais, Pouli et Chabot, exactement ça. C'est Pouli et Chabot, c'est ça, c'est pas deux Mongols, c'est-tu? Non, c'est pas deux Mongols, c'est juste des amis. Hein. Des amis qui n'ont pas trop de culture. Ah, ok, c'est pour ça. Métal. Ben, moi, dans ma tête, c'est. Je me souviens plus du nom du show. Si j'ai vraiment un blanc là, pour elle. Mais, ça, mais oui, c'est exactement ce que ça, je c'était, mettons, des dernières années de Musique Plus. Mais ça. C'était dans le temps un peu de, justement, de Louis-José Hood puis de Patrick Gros. Ouais, fait que Rest in Peace. Puis ça va devenir une chaîne de programme télé-série féminin. Genre un peu comme la soirée de filles à TVA, mais 24 heures sur 24. C'est genre série plus version féminine. Là, c'est ça. Puis il va y avoir de la porn pour entre... Non, c'est pas vrai. C'est de la merde. Qu'est-ce que tu racontes là? Genre, c'est quoi qui va jouer le, dans le gros milieu? Show. C'est ça. C'est le gros show? C'est le gros show. Hey, le gros. Puis ça va commencer bientôt, ça. Là, là. C'est, je pense que ça va commencer cet été avec la programmation. Ouais, c'est au mois de juin, juillet. C'est quand ça va faire officiellement. Puis je pense que ce qui va faire le plus mal... À Montréal, c'est Sainte-Catherine de plus avoir la vitrine de Musique Plus. Ah, c'est vrai, parce que c'était magique passer par là. C'était iconique, ça, là. C'est des symboles. Ils ont enlevé, est-ce-t-il, le gros insigne d'Archambault aussi sur Berry. Ouais, j'avais attendu ça dans les journaux. Ils sont en train de détruire nos souvenirs. C'est ça pour des condos, là. Je sais pas. Pour le nouveau stade. Je sais pas. Le nouveau stade au Bassin Peel. Bassin Peel. Dans Pointe-Saint-Charles. Ouais, c'est un petit terrain qui coûte qui vaut une petite fortune, mais dans le fond. J'aimerais bien. Moi, je serais, en tout cas. C'est parce que là, si on parle de ça, on mélange de la politique, les fonds publics, puis tout ça, mais juste, mettons, baseball pour baseball, j'aimerais vraiment avoir le retour d'Expo. Je pense que je m'achète une passe de saison s'ils reviennent. T'sais. Moi, je me testais avec mes pinottes, puis mon pad a marqué les points, puis oublie ça. Là. Ah, ben c'est comme. C'est relaxant. Puis c'est parce qu'il, en tout cas. Il y a des gros problèmes à amener le baseball à Montréal, en plus de, du stade. Tout ça, c'est que ça coûte cher le baseball, là, les joueurs, c'est pas donné. Puis c'est... Ben, c'est ça, Chris, tu sors une vedette, là, il va coûter 250 millions. On va se ramasser avec un team de chaudron. Là, fait que c'est, Le monde va pas. Là, ça va chialer. Oh, c'est un club de poche. Hein, ils sont venus, puis c'était chier. Comme pour Nordique, mais que ça revienne. Ah, boy, c'est pas fait encore, ça. Ah. Hey, on est rendu mi-. Mi-février de JF. Donc, un mois et demi après les résolutions du jour de l'an et tout ça. Faisons suivi, c'est deux affaires. Oui. Gym et bouffe. Puis commençons par le gym parce que bouffe, ça va être très drôle. Je pense à des anecdotes de notre côté. Mais ah oui. Je veux savoir, t'en étais où avec ton entraînement de en fait, ton entraînement en général, ta santé, tout ça. Est-ce que tu prends soin de ton cœur? Est-ce que tu fais encore des attaques de panique en mangeant des fraises le soir? Non, je te dirais que la santé va bien, si on veut. Et puis, tu sais, je continue à suivre le même rythme que j'avais terminé mon année 2018. Fait que je continue le pacing. Là, c'est rendu que je me suis... Tu sais, mettons, pour boire, là, je prenais toujours un jus non sucré. Mais là, j'ai changé pour de l'eau à saveur de fruits. C'est zéro calorie. Puis au début, genre, dans le fond, pour faire une blague, là, tu sais, j'ai pris ça aux framboises. Je pensais que ça serait bon, fait que j'ai versé ça dans mon verre. Puis j'avais comme eu genre un craquement de cœur quand je me suis aperçu que c'était transparent. C'était pas genre rouge. C'était de l'eau esti. Ben, c'est de l'eau. Ben, c'est ça que j'ai comme pas catché au début quand je l'ai acheté. C'est comme mettre du Crystal Light dans ton eau. Puis je me suis fait juger par mon fils qui m'a dit t'as acheté du faux jus. Fait que là, finalement, quand je l'ai bu, je trouvais que ça goûtait bon. Puis en plus de ça, je mange mieux comme alimentation. T'as acheté du faux jus. Tu sais, comme mettons, t'sais, vous me jugez avec mes Michelina, là. Ouais, ouais. Je mange plus ça. Bon, ben ça, c'est déjà une amélioration. Puis je mange mieux. Je ne mange que du Chef Boyardie maintenant. Je me sens en forme, puis je continue à travailler fort, tout ça. Puis écoute, c'est de maintenir, je te dirais, une certaine discipline, puis je suis capable de la maintenir. Puis c'est comme une routine à cette heure pour moi, là. Toi, ça... Ah, j'ai bizarrement pas lâché le gym puis l'entraînement depuis janvier. Bon, puis tu sens-tu une différence? Tu sens-tu mieux le matin quand tu te lèves? Non, je faisais un son en me levant du lit comme... Comme ça, là, comme je suis en train de mourir un peu plus à chaque jour, là, c'est clair. Hey, en parlant de mourir, là, tu disais que j'étais en santé ou pas. Là. J'étais malade au mois de janvier. Puis toi, quand tu dors... Là, ah, je dors pas, moi, mais... Ben, mettons le matin, quand tu te réveilles... Là, ah, je suis déjà réveillé quand je te réveille. C'est d'avoir genre la bouche extrêmement sec. Ça arrive. C'est parce que tu brailles, ça? Ou tu dors la bouche ouverte? C'est parce que tu brailles, t'as dit? Ou bye. Tu bailles? Bye, ah ben, si pas bailles, excuse-moi, tu ronfles. Si tu brailles, ça se peut aussi, mais si tu ronfles la bouche ouverte, oui, tu vas genre, te tu dors, t'es... Ah, ben c'est sûr, tu t'assèches la bouche, mais... Et moi, c'est intense, là. J'ai plus de salive, là, puis faut que je prenne de l'eau, là. Ma langue, elle bouge pas. Ben, dors la bouche fermée, asti. J'essaye, asti. Ben, à chaque fois, je me réveille le matin, je suis couché sur le dos, asti. Puis là, je me réveille, je comme... Peut-être que t'avales des araignées, je sais pas. Là. Ah ben, non, mais là, écoute, esti. Un moment donné, je me suis réveillé en pleine nuit, JF, puis j'avais du vomi dans la gorge. Fait que je me suis comme étouffé un peu. Puis je pense que je me suis réveillé parce que mon corps filait pas, tu sais. Puis là, j'ai avalé mon vomi. C'est dégueulasse. Je comprenais pas qu'est-ce qui est arrivé. T'as-tu déjà eu ça, toi? Non, je vomis pas dans ma bouche en dormant. Puis le pire, c'est que même un moment donné... Tu sais, je m'en vais au cinéma avec le parrain à mon fils. Puis, toute la soirée, il me demande « T'es-tu malade? » Parce qu'il savait que j'avais un gros rhume. Dans le temps des fêtes, là, j'arrêtais pas tout ça dans son condo. Il parle donc, de même « T'es-tu malade? » Là, ouais, il me regarde. Il me dit « T'es-tu malade? » Je dis « Ben non, tu sais, parce que je tousse un peu. » Puis là, on était au cinéma. Puis, pendant le film, genre, quand il y a une longueur, il me donne un coup sur l'épaule. T'es sûr, t'es pas malade? Ben non, je suis correct. Fait que ça reste de même. Le lendemain, je fais mes affaires, puis tout ça. Il m'appelle à 4 heures, puis il me dit, t'es-tu malade? Je te dis, hey, non, pourquoi? Je dis, moi, j'ai vomi toute la nuit. J'ai un gastro. Je suis comme, ah oh, ben tabarnak, il a passé la soirée avec moi, puis il avait un gastro aussi. Il commençait. Où il a été manger de quoi? Je sais pas si vous avez super. On est allé au Five Guys, puis il a pris un milkshake au bacon et yogourt à vanille, genre. Ça a l'air délicieux, ça. Puis moi, je dis, c'est sûr que c'est bon? Il me dit, ben oui. Puis il l'a bu. C'est clair que t'as le flux pour avoir pas mal bu ça. Mais... je sais pas. Mais même pendant le film au cinéma, t'as lâché des bonbons au dépanneur puis que je fais dans nos poches parce que l'hiver, c'est plus facile pour faire ça. Puis je sais pas, mais il a vomi comme jamais. Il me dit, il chiait puis il vomissait. Puis là, je disais, ben là, c'est parce que, tu sais, lui, il a deux petites filles. Je disais, c'est parce que, dans le fond, c'est-tu tes filles qui ont un gastro, puis toi, tu l'as pogné. Ah, je sais pas, mais check ça. Puis quand il a raccroché, ma psychologie me disait, tu vas être malade. Ah, c'est clair, là. Mais je m'en ai sorti par après. Mais tout ça pour dire que, Christ, c'était peur, hein, vomir en pleine nuit. Ouais, j'irai consulter un médecin si je dois. J'ai été, puis il m'a dit, j'étais en très bonne santé. Ça, ça fait chier, ça. Quand tu sais pas bien, puis ils font juste dire non, t'es en parfaite santé. Ah, ben, c'est le fun. Ben, ça va. Je pense que dans le fond, ça se passe entre tes deux oreilles rendues là. Tu sais, c'est. Je sais pas. Faut que j'arrête d'écouter des affaires fuckées, puis je sais pas. C'est... Ouais. Écoute des affaires bonnes à la place. Je peux essayer. Ben, ouais, non, pour vrai, pour ce qui est moi, je me surprends en fait pour l'entraînement. J'ai vraiment été steady. Je dépasse mon objectif Fitbit à chaque semaine. Là. Est-ce que tu manges mieux? Je. Non. Ben, j'essaye. Fait que tu t'entraînes pour manger. Non, c'est juste un effort de mieux manger, puis j'ai de la misère à le faire comme il faut. Là. C'est, je suis pas synchronisé. Des fois, je l'ai, des fois, je l'ai pas. Ben, t'étais un bon cook. Genre, tu t'essayes des affaires, tu montres des photos. J'essaye encore. Où est passé c'est... J'essaye encore, c'est que des fois, je suis paresseux. Tu sais, quand la paresse prend le dessus, tu es comme, ah, si, j'ai pas le ben, goût. Ben, la paresse semble avoir commencé depuis que t'as emménagé ici. Ah, oh, mais c'est parce que j'étais brûlé. T'es trop bien chez vous. Hein? Ben, je suis bien, puis j'étais brûlé, puis je pense que tu relaxes. Parce que t'as une mijoteuse, t'en sais plus. Non, je m'en sers, je sais que je le c'est pose. C'est quand la dernière fois? Cette semaine. Ah, OK. Cette semaine, lundi, fait de la mijoteuse. Mais je m'en sers, mais j'étais à un moment dans la semaine où je suis comme, non, je vais me chercher un poulet ou genre du McDo, bizarrement, parce que je sais pas, faut tellement pas manger du McDo, puis j'ai tout le temps le goût de manger du McDo. Je sais que c'est pas bon de junk food, mais j'ai le goût. C'est salé, j'aime ça, mais faut pas que j'en mange. Mais des fois, on dirait que mon mental est pas assez fort. Ton corps, il était comme ça. C'est ma récompense m'entraîner, mais c'est ça, je veux pas le faire. Mais ben là, tu manges pas ça à tous les jours. Ben non, c'est une fois par semaine, des fois. Okay, une fois, c'est pas pire. Une fois par semaine, c'est pas dramatique. J'essaye, c'est ça, mais c'est. Mais comme là, ça fait deux fois cette semaine, parce que ce soir, on ben, hier, j'ai mangé du temps express, mais ça s'est mal à m'entraîner. Ah, c'est ça. On avait le goût de manger ça. Ah, ouais. Moi. Mais c'était marqué, je me suis fait un dessert pour la Saint-Valentin, GF. Là. J'ai acheté un sac de biscuits Félix et Norton à l'épicerie. T'as-tu déjà mangé du Félix et Norton? Ben oui, c'est bon. À ça, je ne savais même pas que ça existait encore. Tu peux l'acheter à l'épicerie. Que dans la place que j'ai vu ça, c'était au Centre Bell. Oui. C'est... Puis là, si tu veux en acheter, à cette heure, c'est disponible seulement à l'épicerie chez IGA, dans la section des pâtisseries haut de gamme, pas que le McCain, là, mais les gâteaux à 10$. Mm-hmm. C'est un sac. Tu crées ça dans le four 8 c'est minutes. De la pâte à biscuits. Ta pâte à biscuits, genre, c'est comme des petites roches. Là. Tu mets ça, ça ramollit. C'est super bon. Je me suis fait cuire 6 biscuits. Je les ai fait cuire une minute de plus, suggéré sur l'emballage. Pour les avoir bien croustillants. Ben, exactement. Puis après ça, je me suis pris ma boîte de crème glacée Guatico puis je me suis fait des sandwichs. Ah, j'ai vu ça. J'aime ça sur ton Instagram. Je pense. Ah, tu sais que c'était bon. Mais il fallait manger vite parce que le biscuit était un petit peu trop chaud. Ah, ben c'est ça le problème souvent. Là. Fait que, ben, mettons que j'ai perdu la moitié. En tout cas, mais c'était super bon. Hey, je suis en parenthèse, par rapport, là, puis ça n'intéressera personne à part à toi, là, mais je suis allé chez ma cousine qui reste sur le bord des lignes américaines, à Ogden, qui est comme un village pas loin de Stansted. Là. Mais quand tu es là-bas, il y avait une sortie Quaticook. Puis là, je disais à ma cousine, où est-ce qu'elle l'usine? Tu Quaticook ou est-ce qu'ils font la crème glacée Quaticook? Elle dit oui, elle dit, puis. Vous reviendrez cet été, on va prendre des cornets. Ils ont des saveurs qu'ils n'ont pas en magasin, qu'ils ont juste là. Ah, shit. Quoi? Tu arrives à me dire que Quaticook ont des affaires exclusives là-bas. Je vais revenir cet été, c'est sûr. Moi, je ne jure que par la Quaticook. Ah non, c'est J'ai tout le temps de la Quaticook dans mon congélateur. C'est quoi ta sorte? Cerise. Ah, moi, c'est vanille. Cerise, vanille puis fraise. C'est ça existe-tu, trois couleurs? Ouais, napolitaine. Ils ont ça. Ils ont tout ça. Là. Ah, c'est napolitaine que ça s'appelle trois couleurs. Ouais. Ah. Voilà. Et j'ai rien d'apprendre de quoi, je savais pas ça. Moi, j'ai toujours vu trois couleurs. Puis ils ont comme les marques comme de luxe un peu aussi, eux autres, là. Genre. Café. Non, c'est. Oh, je sais pas, là. C'est double cerise et quelque chose, là. Puis des affaires comme ça. C'est. Ah oui, c'est une pièce de plus. Des plus petits pots, genre. Ouais, un petit peu plus petit, puis c'est crissement bon. Genre des pépites ça me de caramel. Ça donne le goût d'aller me chercher un pot de crème glacée de main à l'épicerie JF. Ah, même quand il fait frais, comme il fait en ce moment. Ah, moi, ça m'empêche pas d'en manger. Glacée, moi. Soir, tout le temps, moi, c'est for life, là. C'est ça, moi aussi. C'est... Ça va être tout dans les fesses et dans les artères. Caline. Ah, mais stick, c'est bon. Mais ouais, je m'entraîne semi chez nous, semi au gym. Fait que j'aime bien la routine que je me suis pogné, là. Puis Caro, qui est mon entraîneur, ne me fait faire que des calices de jambes parce que j'ai eu ça. Je me suis blessé cette semaine, fait que j'ai pris deux jours off. Là. Je vais faire du snow pareil, fait que ça compte pas. Fais du snow, un petit peu. Ben, faut en profiter parce que dans le fond, là, avec la tempête de neige de 4 pieds qu'il y a eu cette semaine. Ouais, parce qu'il faut que tu fasses vite. Faut que tu fasses vite quand que, au Québec, quand tu vas aller faire du tour, parce que quand il neige, il pleut le lendemain. Fait. C'est un petit pattern fucké qu'on c'est a dégueulasse. Eu depuis le début de l'hiver. Ah, il y a une croûte de glace dans mon entrée, là. C'est comme une patinoire. Là, ben là, t'es en train de revirer en eau, là. Ouais, ben elle va geler, fait que ça va revenir. Ah, c'est une nuit. Plus épaisse. Mais ouais, parlons bas justement de JF. Parlons sujet controversé. Good food! Ouais. Parce qu'il y a plein de monde qui chiale sur Good Food. Pas grand monde qui se plaît. Pas grand, ben il y en a qui se plaivent sûrement parce que la compagnie continue d'exister. Fait qu'il doit y avoir du monde qui aime le service. Ah, pis mais souvent, et comme dans tout, ça chiale sans savoir ce que c'est véritablement. Good non, food. C'est ça. Donc, Good Food, service de livraison de bouffe, dans le fond, de préparation de nourriture, là, qui t'envoie en général 3 repas qui vont contenir 2 à 4 personnes, 2 à 4 portions. Exact. Et puis, donc, t'envoies les ingrédients nécessaires. Puis, ça chiale beaucoup parce qu'ils disent que c'est l'empreinte écologique est vraiment pas bonne. Puis, il y a du suremballage, comme dans tout, là, by the way, là. Tu sais, Good Food, c'est pas une solution contre le suremballage. Good Food, c'est une solution contre le gaspillage alimentaire. Parce que tout est préportionné. Tu as des carottes, tes légumes, tu as tout ce qu'il faut, mais en portion juste de ce que tu as besoin. Puis moi, c'est mon gros problème souvent avec la bouffe, c'est que j'achète, puis je perds tellement de stock, là. Fait que ça, c'est fait. C'est pré-fait. Puis non, ce n'est pas pré-coupé. Asti, les légumes. Non, non, c'est mes tomates, j'ai coupé. Mes oignons, j'ai coupé. Là, j'ai appris c'était quoi un asti broyant coupant des oignons. Mais ouais, fait que ça vient dans une boîte. Puis, tu sais, le monde chale que c'est sur-emballé parce que c'est dans des. Chaque recette est dans un sac, puis après ça, t'as tes légumes, mais si t'as de la sauce, c'est dans un petit sac ou dans un contenant. Mais ils disent que tous les contenants, les sacs sont recyclables. Fait en plus. Quand même. Là, c'est une autre affaire, c'est le recyclage, mais on parlera pas de ça parce que j'ai entendu hier aux nouvelles ou je sais pas quoi, là, que genre en Malaisie, c'est là qu'ils se ramassent avec toute la jet de recyclage plastique, puis. Ils n'ont plus de place pour les contrats, fait qu'ils font juste brûler, puis ça fait juste dégager des cancérigènes dans l'atmosphère. Tout le recyclage qu'on a à. Ça se peut que ce ne soit pas tout 100% efficace ce qu'on fait nous autres même. Ah, ouais. Fait que ta seule solution vraiment, si tu veux recycler ou être un peu plus écolo, c'est de tomber dans la mode du genre zéro déchet. Là. Que tu gardes, tu nettoies, puis tu les. Ben que tu n'achètes rien qui est emballé en plastique, tu n'achètes pas des suremballages, tu achètes le plus. Lousse possible, ou tu vas dans des places comme le Bold Bar, mettons, au 10-30, que tu achètes des contenants, puis c'est des. Tu sais, t'achètes ton riz, mettons, tu le prends dans un contenant, tu le prends dans un sac, dans un contenant à vitre, puis tu essaies de rien jeter. Quand tu as des restants, tu fais du compost avec, des affaires-là, c'est comme. C'est un mode de vie plus écolo, là. Mais c'est la seule façon que tu as, sinon, tu veux recycler, c'est même pas. Ça fait même pas la job que c'est supposé te faire. Là. Non, c'est ça. Ah, c'est bizarre, ça. Mais bref, good food, fait préportionné, c'est ça. Vient dans une belle boîte de carton. Oui. Mais JF, je l'ai utilisé Good Food pendant un an régulier pour me redonner un peu le genre mon air d'aller pour la bouffe. Là. Je manquais d'inspiration pour dire que je tournais en rond. Fait que, ça, c'est bien. Tu choisis tes recettes que tu veux. Puis ça. Ouais, t'as comme du choix par semaine à peu près. T'as comme du choix par semaine. Puis ça vient avec une petite fiche que tu peux garder après. Puis tout ça. Fait que je l'ai fait pendant un an. Puis là, j'annule tous mes paniers. Puis une fois. De temps en temps, genre aux 2 mois, peut-être j'en commande un, parce que ça me tente pas une semaine, que genre 3 repas, c'est le fun. Là. Mais ouais, parle-nous de tes impressions et de tes premiers repas, puis comment t'es senti en recevant ta boîte chez vous, là? Ben, c'était spécial pour moi, parce que cette année, je me suis dit, je vais me pratiquer en cuisine, parce que je suis zéro pour une barre, je suis dégueulasse. Ouais, j'ai cru remarquer ça quand tu m'en as parlé un peu, j'ai aucun talent, là. Puis en recevant ça. Ça se développe, ça se développe. Ben, c'est ça, je me suis dit, je vais commencer à le faire. Puis en recevant la boîte, j'ai trouvé ça cool. Dans le fond, j'ai ouvert, t'avais mes 3 sacs Ziploc, puis t'avais après ça les morceaux de viande en dessous, ouais. Près des blocs de glace. Fait que je prends mes affaires, puis après ça, tu sais, je classe mes choses. Bon, ben, je vais manger lui en premier, tu sais, j'ai mon système chez nous. Puis, tu sais, quand je commence mes recettes, là, tu sais, je prépare mes affaires. Comme tu m'as suggéré, je crisse tout ça à table, tout est prêt. Ouais, j'avais dit, tu sais, comme, fais juste comme. Prends ton aise, prends ton espace, puis commence par couper tes légumes, là, parce que C'est ça qui est plus long. Si tu le fais dans le flow que de la recette, que des fois, ils partent de quoi, pendant que ça cuit, ils coupent des légumes, non, on n'est pas à ce niveau-là souvent pour aller on aussi vite. On n'est pas comme tatatatac, c'est prêt. Fait que moi, je le fais comme dans la présentation. Ils ont des petits pots blancs. Mais sachez des petits pots blancs, je connais une tire à une pièce, là, puis je mets mes affaires séparées. Ben, c'est ça, j'ai des petits pots chez nous pour séparer mes affaires, tu sais, mettons, parce qu'il y a beaucoup d'ail dans les recettes que j'ai remarqué. Oui. Il y a une passe là, les autres. C'est intense, là. Puis, ça goûte, c'est ça. Des oignons, mais tu sais, comme j'ai jamais pensé sur un poêle de mettre de l'ail ou des oignons pour que ça soit parfumé. Ben, puis c'est comme la. Pour vrai, c'est la base, à peu près, tout. Moi, je me sens ça a été de la crise d'huile d'olive, tu sais, que je oui, ben, de l'huile d'olive pour faire chauffer, mais. Pas tant chauffé. Moi, c'est plus de l'huile de canot. Là. Ben là, j'ai changé pour ça parce que je me suis aperçu que je gaspillais de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est plus à la fin souvent. Où, ben, faire des petits mélanges des fois. Là, faire des mélanges de. C'est pas plus, pas que ça. C'est colle, plus raffiné. L'autre, c'est plus pour une cuisson. T'sais. Exact. Puis. À moins que tu pognes des poils de rock comme moi, tu fais juste crisser ça et ça colle pas. Là, non, j'ai pas ça pendant tout. Puis, des premières fois, je commençais à oublier, mettons, un ingrédient. Ah, ben ça, comme la première fois, je m'étais fait une lasagne. Puis j'ai oublié les épices pour le bœuf. Fait que c'est un peu la base. Elle était bonne, tu sais, dans le fond, la sauce tomate, c'est ça qui donnait le goût, mais c'était fade aussi. Ta viande, elle coûtait rien, c'est clair. C'est ça. Fait que ça m'a fait chier, mais c'est pas grave. Je l'ai mangé pareil, tu sais. Puis après ça, des fois, ça m'arrivait, j'oubliais des choses. Comme j'ai pas de zesteur, fait que je peux pas mettre de zeste de lime dans mes affaires. Ben, ouais, tout en un, ça coûte rien, un zesteur. Ben, c'est ça, mais il faut juste que je me rende à parce que ça se vend. Je pense que je vais amazoner cette petite affaire-là. Ah, tu peux, ça coûte rien. Puis, écoute. Chez dans n'importe quelle épicerie, ils ont ça, de toute façon, un zesteur. Oui, puis j'ai commencé à découvrir des affaires que j'aimais beaucoup. Tu sais, comme des pâtes, ou que ça soit une sauce tomate, c'est une sauce basique. Ça, c'était vraiment bon. Puis, il y a un moment donné, j'ai comme pris un genre de poulet esti de Jamaïque. Ah non, c'est un poulet portugais, excuse-moi. Ouais, ouais. Moi, dans ma tête, je pensais que c'était comme au Bastos. On salue le Bastos. Mais écoute, je pensais pas que c'était épicé. Puis je pensais que en mangeant, je faisais une réaction allergique. Ah, c'était-tu marqué en plus, mais mettez de l'épice comme vous le sentez, genre à votre aise, là? Je sais pas si j'ai lu jusque-là. T'as tout crissé le pot complet. Ben, mettez le reste de l'épice. Je pense que c'est ça que j'ai vu. Fait que j'ai tout crissé ça. Ouais, des fois, faut check comme du monde. Puis écoute, ça me brûlait. J'étais mal à l'aise. Puis à un moment donné, je chantais comme ma gorge enflée. Fait que là, je me suis dit, réaction allergique, c'était quoi les symptômes, tout ça. Puis écoute, j'étais correct. Mais, tu sais, je capotais un peu. Là, quand tu fais le pot, puis tu as comme l'impression que tu respires plus, tu te mets de bout, puis tu te promènes dans le salon pour être sûr que t'es correct. T'sais. Mais non, c'était rough. Puis après ça, il y a des affaires que je fais que, tu sais, ça me prend au moins genre une heure à faire la recette, ce que je trouve pas normal, peut-être parce que je suis pas assez bon encore. Mais c'est souvent, c'est en tout cas, moi, le où c'est plus long, c'est la coupe des légumes tout le temps, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je fais ce que je peux, mais comme, tu vois, cette semaine, je voulais me faire. C'était la première fois que je me faisais des patates pilées. OK. J'avais jamais fait ça de ma vie. Pour vrai, hein, ouais. J'ai même pas d'épluche patates chez nous. Fait qu'il fallait que je le fasse avec une fourchette. T'as déjà fait un party chinois chez vous? Jamais. Curieuse. Puis, écoute, là, j'ai fait mes patates pilées. Tu sais, je les ai fait bouillir. Puis tout ça, je les ai épluchées parce que je me suis dit, dégueulasse avec la pleure, Chris. Faut des épluches, puis t'es coupes en petits cubes. Ça cuit mieux. Ben, c'est ça, cuit ça disait en D. C'est fait ça. Que dans le fond, je les ai faites en D. J'ai fait les points pour être sûr que ça soit pareil. Puis, les points, mettons les chiffres de chaque bord, là, c'est une blague. T'es pas obligé de faire ça. Tu peux y aller juste sans point. Bon. Fait que, j'ai un regard vide pendant une seconde, je connais de quoi qui parle. Fait que là, tout est prêt. Tu sais, je les ai transvidés ici, puis j'ai écrit ça dans le poêle. Je mets un peu de beurre parce qu'on suggérait de mettre du beurre. Ouais. Puis après ça, je l'épluche. Puis il disait de garder genre un quart de tasse d'eau bouillante pour pouvoir le mettre dans les patates. Fait que il dit y aller aléatoirement. Fait que je le fais. Puis là, j'écrase. Puis là, j'en mets encore un peu d'eau. J'y recrase encore. Puis, c'est Chris, mes premières patates pilées. Fait que je chantais une fierté. J'étais comme, asti, c'est hot. J'ai hâte de manger mon steak, asti, avec une sauce aux trois poivres. Ah, elle est bonne, cette recette-là. Puis là, après ça, je dis, OK, il reste un fond d'eau. Bon, ben, go, asti, je vais mettre le restant de l'eau. Chris a mis toute l'eau, puis ça s'est rendu une soupe. Tabarnak! GF! OK, là, j'étais en Chris. Puis quand j'ai été... Oh non, je te jure, je capotais. Je vais quitter le studio, je pense. Écoute, ça a donné ça. Eh oui, on s'en a une soupe aux patates. Une soupe. Ah, t'as pas la bonne affaire. Ah, fuck, c'est un tu char, montes, ça. Tu montes des chars. Wow, c'est... T'as... Tiens, cache la porn. Fait que ça a donné ça. Ça a l'air d'une affaire qui te sert dans un CHSLD. C'était liquide, Jeff. J'ai même mis du poivre pour essayer de faire genre de pour que ça donne du goût. Quand tu presses tes patates, tu as un presse-patate, là, j'imagine? Non, j'ai fait avec une fourchette. Parce que ouais, ben, ça te prend des bons outils aussi pour travailler dans la cuisine. Un presse-patate, c'est pas bien ben cher, là. Ben, ça aussi, je pense que je vais aller sur Amazon, puis je pense que je vais le commander, je vais dépasser mon 35$ de. Ah, c'est clair, avec des affaires de base, une grosse spatule en bois, ça te prend ça aussi, là. Pis, ouais, ça, j'en ai une, pardon. Au moins, là. Mais quand tes presses, là, puis que tu vois que sont ta texture que tu veux, arrête de mettre de l'eau. Ben, je pensais pas faire ça. Mais rien de plus, t'es correct. Puis je l'ai regretté, je m'en voulais. Ah, je me criais après, tabarnak. Ça m'est arrivé, moi aussi, une couple de fois avec des recettes de même, de comme. Ben parti, puis scrappé à un moment donné à la fin. Ah, oh, fuck. Mais même, je te dirais que c'était pas ma semaine avec Good Food, parce que le lendemain, j'avais du riz, genre, mauve à faire cuire. Puis. Asti, ça disait 26 à 30 minutes de cuisson. Pas de problème. Mais ma casserole que j'ai prise était grosse en tabarnak. Fait que... Non, le riz, faut que tu prennes une petite casserole. Parce que là, il devait être comme vraiment étendu, fait que ça s'est tout évaporé super vite, là, ton eau. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que... Moi, petite casserole avec... On m'a dit, lève pas un couvert quand tu fais du riz pour laisser la vapeur dans la casserole. Ben non, mais tu peux le lever et puis le remettre après si tu veux checker qu'est-ce qu'il y a dedans. Là. Ben, c'est ça que je faisais. Jeff, ça m'a pris une heure, esti, pour que le riz soit prêt. Puis j'ai enlevé le reste de l'eau parce que j'étais allé d'attendre. J'ai soupé sans mon riz. Je capotais. Fait que là, dans le fond, ça m'a fait du riz pour la semaine. Fait que j'ai mangé du riz en tabarnak mauve. Mais ce qui est le fun, c'est que le monde, quand j'allais à ma cafétéria au concessionnaire, il me disait « ça sent donc bien bon ce que tu as fait. » Je sais pas s'il me disait ça, genre par politesse. Tu sais, comme mettons un enfant fait un dessin lettre. Puis il te le montre, puis c'est donc bien beau. Mais je sais pas s'il me disait que le riz sentait bon à cause de ça. Mais tu sais, il y avait des oignons, un style dedans, puis tout. Puis c'était correct. Mais j'ai comme l'impression que je suis pas encore rendu à un niveau où ce que. C'était comme pas la base là, avant. Tu sais, mettons que ça serait un cours d'économie familiale, là, je passerais pas. Je pense. Non, là tu serais même pas encore rendu à coude des boxeurs, là. Écoute, si tu verrais les boxeurs que j'ai eu quand j'étais en école familiale, c'était dégueulasse. Mais je pense que ma jambe gauche, ma jambe droite, elle ne fit pas. Moi, je peux pas y mettre, c'est impossible. Ah, je peux pas y mettre parce que je rentre plus dedans, là, mais j'ai les encore dans un. Comment ça se passe? Mais tu les portés, mettons? Ah, oui, j'avais déjà mis une couple de fois pour dormir. Là. C'était des boxeurs pas très confortables. Là, ah non, moi, c'était pas égal pendant tout. Je comprends même pas comment j'ai fait pour passer d'atelier-là. C'était dégueulasse. Mais. Tout ça pour venir avec Good Food. Jeff, je continue à apprendre. Des fois, je suis content parce que c'est bon. Puis, je me donne, Chris, quasiment 7 à 8 portions des fois par semaine. Ça me fait des lunchs. Puis, quand je suis au garage... Ouais, il y a une couple de recettes qui peut te rester comme une troisième portion souvent. Là. Puis là, le monde avant, elle regardait pas ce que je mangeais parce que c'était le temps des crises de bois de Michelina. Puis, j'arrêtais pas de vider les astis de piment cuit qu'il y avait dedans parce que c'était dégueulasse. Là, c'est rendu que les gens regardent ce que je mange. Bon. Fait que pour moi, ça veut dire qu'ils disent « Ah, mais coudonc, ils se forcent. » À un moment donné, je te dis, je viendrai chez vous quand il y aura un rabais pour ça, pour un poulet cru, là. Puis on va te faire un poulet là, barbecue dans le poêle, puis après ça, pas dans le poêle, dans le four. Puis après ça, on va te faire une soupe avec ça. Ah, du bouillon de poulet, esti. Let's go. Avec la carcasse, c'est excellent, ça. Ah. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais c'est à apprendre, puis tu sais, c'est pour le monde qui chiale contre ça. C'est parce que quand t'as pas de ressources, tu fais quoi pour apprendre? Mais comme moi, je suis seul à la maison. J'ai mon fils à l'occasion. Puis, tu sais, ça me tentait pas de faire la cuisine parce que je trouvais ça plate. Je dis que je suis seul. C'est pas tout le monde qui a sa spécialité puis son intérêt principal d'apprendre à cuisiner. Fait que c'est pas avoir un petit coup de pouce, un aide là-dessus. Là. Ouais, puis j'ai juste à commander chez Good Food. Puis mon épicerie, ça me prend plus de temps. Je cherchais mes fruits et mes légumes pour la semaine, pour mes lunchs. Puis les choses que j'ai besoin, les à côté. Mais je me casse pas la tête à cette heure pour faire mon épicerie. Là. Tout est déjà dans les boîtes. Mais c'est clair que c'est pas une solution pour le gaspillage puis le suremballage. Mais c'est une solution juste pour la préportion des légumes. Ah oui, puis c'est pratique puis c'est bon en plus. Ça goûte bon. Fait que t'es prêt à aller tes recettes, t'as déjà des fiches, mais là tu peux les faire toi-même, mec. Ça va coûter moins cher que de le faire. Ben, c'est ça, comme la recette de pâte, c'était des tortellini aux trois fromages. Mais ça, c'est sûr que je vais leur faire un manier avec la soupe basilic. Ben, c'est ça. Ça m'a pris 20 minutes de le faire. J'étais tout content. C'est trippant. J'aime bien ça. J'encourage le monde de l'essayer pour ceux que ça les intéresse. Mais ouais, mais je comprends quand même le monde qui chiale contre le système. Mais en même temps, tout ce que vous allez chialer est débattable. Puis je peux tout avoir un contre-argumentaire pour tout ce que vous allez me dire sur Good Food. Fait que c'est pas une solution parfaite, mais c'est une solution qui est convenable, je pense, pour bien du monde. Là. Et voilà. Si vous avez un meilleur système, allez-y, là, à part à me dire, ouais, là, c'est facile, tu fais juste faire les recettes, puis c'est fini. C'est comme, caler, c'est pas ça le point, là. Non, des fois, le monde, ils vont juste chialer pour chialer sans nécessairement avoir d'arguments pour. pourrait très bien avoir ce même système-là, que c'est juste un donne des recettes en début de semaine, puis ils vont faire ton épicerie par rapport à ça, puis ça serait une autre affaire, mais... Fais-les ton pâté chinois. C'est ça. Couple tes légumes. Ouais, c'est ça. Hey, Jeff, on est allé faire une sortie avec Caro, qui malheureusement qui est couché, qui ne peut pas être avec nous ce soir. Trop insulté qu'on l'ait insulté dans la soirée du podcast. Qui est Caro qui est dernière dans le pool, on le rappelle. On le parle. Même dans l'autre podcast, on en reparle. Tu le mettras dans la description du show. Mais non, on s'est pogné des billets pour aller voir le film de Julien Lacroix et d'Adib Alkaldé. Mon ami Walid. Oui, c'était... Fait qu'on est allé voir la représentation au 10-30. T'as l'étoile 10-30. Oui. Fait que on parlera pas tant du film parce que je veux pas rien spoiler. Puis c'est quand même important que le film soit pas spoilé, je pense, parce que le punch final a été très bon, je trouvais. Fait on n'en parlera pas trop, mais on va parler de notre soirée là-bas, dans le fond. On a commencé au New Box, GF, au 10-30. Ouais. Place que tu nous as suggéré, que je connaissais pas du tout. En fait, que j'avais déjà vu, mais que j'avais jamais été. Oui, c'est... Qui est un genre de Thai Express plus santé. Dans le fond, c'est comme tu peux choisir ce que tu veux à l'aliment. Là. Mettons, tu choisis tes nouilles, ta viande, si ouais, ça, ouais, ça. Ta sauce. Puis là, ils font que ça dans un poêle. Puis c'est comme un peu la papessa, mais la japonaise. Ouais, ou Thai, tu sais. La papessa... C'était du Thai New Box ou du japonais? Ah, oh, c'est plus Thai, j'ai l'impression, là. Ouais, ça a la papessa Thai, voilà. La papessa Thai, ouais. Parce que la papessa, ça a fait faillite. Fait que c'est... Je pense qu'il en reste un à Montréal. C'est peut-être. Ça, puis New Box est là depuis le tout début du quartier d'Istrand. Fait que... Bref, ils m'ont fait manger végé, finalement. J'étais allé là, puis j'ai pris une affaire végé au tofu. Ça n'a comme pas de sens. Là. C'était-tu bon? Ouais, c'est super bon, en vrai. Puis toi, je pense que t'as pas trippé ce que t'as pris, là. Non, moi, c'est un pad thai. J'aime beaucoup les pad thai. Ouais, mais c'est parce que c'est ça, le problème, c'est que t'as pris la version santé du pad thai, qui a pas tant plein de sucre et de gras. Non, mais c'est ça, mais... Celle du Thai Express est bonne, mais c'est le repas le plus calorique que je pense, ce menu-là. Là. Ouais, puis écoute, j'aime le goût, puis des fois, je le mange trop vite. Trop chaud. Mais le pad thai qu'il y avait au New Box, il y avait comme des morceaux de lime dessus. Puis d'habitude, dans mon pad thai, je mets la lime, puis je le mélange. Là, je l'ai mis au complet, puis ça coûtait ben trop hostie. C'était-tu liquide comme tes patates de tantôt? Non, c'était moins pire, mais... Je goûtais pas le pad thai quand je le mangeais. C'était horrible. Puis, tu sais, quand c'est rendu à un point où ce que tu dis, il faut que j'arrête de manger, je vais être malade. Puis là, on s'en allait voir un film au théâtre. Fait que je me dis, non, il faut que j'arrête ça tout de suite parce que sinon, je ne filerai pas. Puis tu te mets à roter ça, aussi. C'est désagréable parce que dans le fond, je te dirais que la limite de temps où ce que tu rotes goûte ce que tu as mangé de dégueulasse, c'est jusqu'au lendemain matin quand tu te réveilles avec la bouche sec. Là, ça goûte plus. Le pad thai. Mais là, c'était horrible. Hey, je me suis rincé la bouche en arrivant chez nous. C'était horrible. Le reste, c'est bon, mais le pad thai, je te le recommande pas. Ben, moi, j'ai bien aimé celui que j'ai fait. J'ai conçu mon plat, puis j'étais bien content mon tofu thai. Là. Ça allait bien. C'est ça. Ben, pour le reste, c'est super bon, mais c'est juste que le pad thai, là, je sais pas, c'était louche. Il y avait une souris dans le poêle ou quelque chose, mais c'était pas bon. Probablement ça. Après ça, on est allé justement à l'étoile 10-30, puis on est allé. Dans le théâtre, en fait, et puis c'était pas au cinéma, c'était vraiment au théâtre, fait qu'il y avait un écran sur le stage dans le plein milieu qui diffusait le film. Puis les deux étaient là, Adib Alkaldé et Julien Lacroix présentant leur propre film. Fait que ça, je trouvais ça le fun parce que je pensais que c'était juste un des deux qui serait là. Les deux étaient là, fait que c'était une belle surprise. Ouais, c'est ça, c'est cool. Il y avait même un Q&A à la fin. Fait que ouais, ça, ils ont resté. Le film dure 1h15, fait que je vous invite à le voir. Il s'en va en cinéma, en une couple de cinéma en ce moment. Je sais qu'à Belle-Oeil, ils ont signé quelque chose, puis ils sont en tournée à travers le Québec avec leur film, eux-mêmes. Ouais. Puis ils ont dit que c'était... Évidemment, c'est un projet qui était destiné pour le web, fait qu'il va se ramasser le web à la fin de la tournée. De éventuellement, ça. C'est sûr. Fait que je vous recommande de le voir, pour vrai. J'ai vraiment apprécié le film. Je trouvais que les deux étaient très bons. L'écriture était... C'est sûr que par moment, ça a l'air d'être un long sketch de Julien Lacroix ou d'Adib Alkaldé comme celui qu'ils font sur Facebook, mais... Mis ensemble avec la narrative et tout ce qui se passe à la fin, le punch, tout ça, c'était bien construit, je trouvais. Fait qu'ils ont fait un bel job. Genre de tragicomédie. Ils ont dit à la fin qu'ils étaient en train de travailler sur un deuxième film déjà, eux autres. Qui va être plus comédie. Comédie, une vraie comédie, là. Pas une tragédie-comédie. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, mais je suis très content de voir ça. Ouais, parce que c'est un film que c'est, dans le fond, eux autres mêmes qui ont payé, qui ont financé. Ouais, ça a été socio-financé. Il y a comme 80 000, je pense, qui venaient du public. Puis eux autres, ils ont mis comme genre 100 000 de plus, quelque chose comme ça. Ouais, pour faire le projet, puis ça fonctionnait. Fait que là, ils rentrent dans leur argent. Puis après ça, je pense que l'argent qu'ils ramassaient pour la billetterie, c'était l'argent qu'ils allaient donner aux comédiens qui ont participé. Ouais, ils payent les comédiens qui ont fait ça bénévolement. Parce qu'ils l'ont fait gratuitement. Puis quand même, il y a eu des bons caméos. Quand même Guy Jodoin là-dedans, Christian Bégin qui m'a fait capoter là-dedans. Ouais, moi, je l'ai adoré. Yannick Demartineau, il y en a quand même une bonne batch de comédiens. Sophie Cadieux. Ouais. Debbie Lynch-White qui était là aussi. Non, il y en a vraiment beaucoup qui passent des petits moments. C'est, Dominique Paquette. Ouais, aussi. Dominique Paquette, Laurent Paquin. Fait que non, plein de bons caméos. Vraiment intéressant. Ah, puis, tu sais, il y avait des bons rires dans la salle. Puis, un film qui. Périsolo aussi, qui est là au début, avec il est semi-chauve. Et il s'est fait une couronne, est-ce que. Ben oui, ça l'est fait pour de vrai. Ben oui, c'est ça qu'ils ont dit. Écoute. Ah non, on pourrait avoir, là. C'est très, très bon. Tu sais, j'étais content quand ils ont dit qu'éventuellement, il va y avoir une copie DVD du film. Probablement qu'ils ont dit. C'est ça. Si ça se fait, je serais content parce que c'est un film que j'achèterais et que je réécouterais facilement. Là. Mais il va être sur le web, fait que tu vas pouvoir probablement l'acheter digital. Puis... Ouais, ben ça fait mon affaire. Je le mettrai sur Plex. Là, puis c'est vrai que on va pas le réécouter parce que c'est. Écoute, sur la qualité de film qui sort au Québec, ça serait plus facilement genre faire de l'argent box-office, d'après moi. Ou... Peut-être pas autant que, mettons, Bon Cop, Bad Cop, mais je pense que ça aurait pas, pu faire C'est pas le grand public, par exemple. C'est quand même... C'était quand même plein où est-ce qu'on était allé. Oui, mais ils ont quand même un grand following, eux autres. Là, c'est ça. C'est pas une affaire qui roule dans une salle à chaque jour. Fait que tu vas pogner ton public d'une shot. Fait que t'es correct pour ça. Là, fait que. Non, c'est bon, c'est un genre de film de festival un peu. C'est un film d'une heure et quart, comme je disais. Il disait qu'il voulait faire. Il pensait avoir 45 minutes de stock avec leur scénario. Finalement, ils ont fait une heure et quart. Fait. Ouais, puis c'est devenu un long métrage officiellement parce que c'est une minute de plus que c'est, qu'est-ce que c'est. C'est 72 minutes pour faire un long métrage. C'est ça, puis 75. Hein. Fait que non, mais chapeau, messieurs. Ouais, si vous avez la chance d'aller le voir, allez-y, ça vaut la peine. Là. Pour bon. 25 pièces de billets, c'est pas cher. Hein. Ouais, pour les rencontrer, mais pour Q&A à la fin, puis le monde pose des questions, puis c'était quand même très intéressant. Ouais, des bonnes questions. Personne n'a dit des genre des questions en poche, là, mais c'était toutes des affaires intéressantes. Non, c'était le fun à savoir un peu les deux. Il était proche du public. Ouais, c'était vraiment bien. Vraiment bien. Okay, c'est ça. Mon ami Walid. Chapeau. Thumbs up, voilà. Hey, Jeff, donne un petit truc avant qu'on finisse sur de quoi que toi tu voulais parler, mais avant, il faut qu'on revienne sur quelque chose. Le phénomène de l'heure au Québec en télévision. Que tu n'écoutes pas, puis que tu es surpris qu'il soit le phénomène de l'heure. District 31, qui lâche pas, qui sont rendus avec des cotes d'écoute moyennes de 1 750 000 par épisode pour une quotidienne qui joue 4 jours semaine à 7 heures à Radio-Canada. C'est fou pareil parce que le pays, c'est le pays. Ça, c'est le time spot de genre Virginie, là, puis. C'était quoi le show qu'il y avait là, La fête dégueulasse avec les profs 30 vies. Ouais, 30 vies, là, mais tu sais, ça, c'était. C'était dégueulasse. C'était un spot un peu plus léger, puis. Mais ça reste que District 31, c'est un show de vie de bureau pareil. Là. C'est des policiers dans leur bureau qui... Mais tu vois des affaires intenses, non? Ouais, des fois, oui, il y a de l'intensité, puis c'est bien écrit. Il y a des viols, puis du monde qui se font tuer, puis tout. Du kidnapping, puis des policiers corrompus, puis c'est quand même cool, là. Mais c'est fou comment ça lâche pas, ce scénario. Présentement, là, mettons, tu sais quand que la saison a fini? Probablement au mois de mai ou juin. Fait que là, j'imagine que présentement, il y a une intrigue, puis c'est pas fini, cette intrigue-là. On est dedans. Là. Ben là, il y a une grosse. Je peux te spoiler? Ben, dans le fond, c'est juste. Ben, c'est parce qu'on le sait, spoiler, le gars est allé à tout le monde en parle, le policier méchant. Ben, l'enquête, genre, c'est quoi? Là, on parle-tu de prostitution? C'est-tu des dealers de drogue? Ben, il y a un peu de tout, là. Genre, il y a la mafia qui est en train de tuer des boss de services secrets. Ah ouais, pourquoi? Parce que les services secrets ont tué un des boss de la mafia dans une autre saison. Parce que le boss de la mafia a tué Nadine Legrand. C'est qui Nadine? Qui est Magali Lépine Blondeau. Oh, ça a monté par la mafia? Ben, c'est la mafia qui était là-dedans. Puis là, qu'est-ce qu'elle avait fait? Oh, je me rappelle plus. C'est dans saison 1. Puis je l'écoutais pas dans saison 1 parce que c'était plus un épique romantique. Mais c'est, tout est relié depuis ce temps-là. Là. C'est... Oh shit! Fait que là, c'est comme genre. Tout comme. C'est comme une grande toile d'araignée. T'sais. Puis il y a tant des affaires qui sortent. Mais tout finit par se relier ensemble. Fait que c'est du grand Luc Dionne. Puis là, t'avais comme un policier corrompu qui gardait des filles, des prostituées en kidnapping dans son sol. Puis Serge Thériault? Serge Thériault, il est mort, je pense, lui. Ouais. Ah, OK. Non, mais... non, Patrice Godin, c'est lui qui fait le c'est méchant. Patrice Godin? C'est le gars qui, tout le monde en parle, qui fait le méchant dans District 31. Ouais, mais... Il jouait dans... Ah, t'as pas vu Blue Moon, j'imagine, selon c'est lui qui est. Il fait le gars qui a genre de cicatrice dans l'œil là, avec le pinch. Là, pis... Le gars que tout le monde trouve beau? Ouais, Patrice Godin, là, lui. Ah là. Ouais, c'est un méchant dans le 51. Ah, c'est un essai psychopathe. Lui, c'était le prof d'éduc qui fourrait la forme de Passe-Montagne dans Virginie. Ah, ça se peut. Oui, oui, oui, oui, oui, je m'en souviens de lui. Si j'en retiens tout un visage. Mais bon, c'est son grand rôle de méchant en ce moment. Il est méchant. Ah, puis il est écœurant pour vrai. Là. Mais c'est un bon comédien, il a l'air d'un bon il gars. Est très, très bon. Ah, c'est un gars qui fait des ultra-marathons. Parce que dans Blue Moon, je trouvais qu'il était comme un peu brave. Là, c'est comme il a un air menaçant. Y a-tu une cicatrice aussi dans ce truc? Non, il est clean cut. Pis tout. Fait que c'est pour il a ses cheveux poivrés. Ouais, il est gris-noir, là, comme ses cheveux naturels. Puis il parle toujours avec un regard, genre les yeux comme. Non, mais des fois, il est correct, mais ça joue bien dans ses yeux. Là, mais. Non, il a fait une Christie de bonne job, puis ça. C'était. La manière qu'ils ont fait la saison au début, c'est que tu savais déjà c'était qui un peu le méchant, que c'était lui, tu sais, mais la police le savait pas. Fait que t'en savais plus que la police pour ce segment. Un peu comme à la Colombo, où tu savais qui a fait le crime, puis là, dans le fond, c'était de le prouver pendant l'émission. Ouais, mais tu sais pas qui va le pogner, puis quand est-ce qu'il va une faire. Mais tu savais que c'était lui le vilain. Mais ça fait longtemps que tu le sais que c'est lui qui. Mais tu sais pas pourquoi il fait ces affaires-là, mais tu sais que c'est lui comme le méchant, tu sais, un peu, là. Puis là, présentement, mais là, il est arrêté, fait que là, ils sont en train de dévoiler. Pourquoi il a fait tout ça, puis c'est comme ça implique qui, puis à chaque épisode, t'es comme oh my god, puis c'est. Il y a quelque chose qui était impliqué, tu t'attendais pas, genre. C'est ça, puis ça lâche pas, puis c'est. Puis c'est un mix comme parfait de genre Luc Dionne qui t'écrit un scénario spectaculaire tout le temps pour une quotidienne, là. Ça arrête pas. Mais à un moment donné, la réalisation qui est excellente, puis t'as les acteurs qui sont super bons en plus, fait que c'est. C'est pour ça que ça pogne autant en écoute, ce moment. Écoute, quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai trouvé ça un peu nono. Parce que, moi aussi. Est-ce qu'il t'explique? Ben, j'imagine que ça l'a changé de style. C'est rendu plus vraiment police. Au début, ça, de ce que ma blonde m'a dit, les premières saisons, j'ai pas vraiment tout vu la première. J'ai plus regardé en spot. Puis elle me disait, il y a beaucoup de focus sur l'intrigue amoureuse là, entre Marie Lépine Blondeau et le gars qui joue Babine. Là. Pour vrai? Ouais. Puis ça puis à un moment donné, elle est morte, tu sais. Fait que Puis ça a comme viré en show de police, mais. Mais. Parce qu'au début, genre, c'était comme une affaire de Vox Pop. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait un crime, comme j'avais sorti le fameux alerte Lambert, là. Ah, oh, une alerte Lambert, puis tout ça. Puis il expliquait. Ça a commencé en 1800, nanana. Mm. Au début, c'était comme ça parce qu'il expliquait chaque terme. Pour vrai, je me rappelle pas là-dessus. Ah, ben, Jeff, c'est pour ça que j'ai décroché. Parce que je trouve ça comme ridicule. C'est pas ça pantoute en ce moment. Là. OK, parce que là, il va pas t'expliquer. Bon, mais là, je te passe à l'interrogation. L'interrogation a commencé en 1932 dans le temps. C'était juste de tout ça. Puis c'est la manière qu'il parlait parce que je trouvais un peu genre. Écoute, si c'était. Mais non, c'est pas ça pantoute. Les dialogues étaient comme mou. C'était comme. Les dialogues sont rendus bons. Puis je veux dire. Ça arrive, ouais. Gilda Roy est excellent. Michel Charette, c'est son rôle de sa vie. C'est fou, là. Michel Charette, c'est pas qu'il faisait Bouboule dans Ouais, puis il faisait Popol, puis il faisait Jean-Loup Duval. Là, c'est, ouais, dans Radio Enfer. Il y a un site québécois de, comme, genre, les personnalités québécoises. Puis lui, sa photo, c'est comme Sergent détective Jean-Loup Duval. Puis il a retweeté ça, puis il a fait comme Yes, la consécration, enfin. Là. mais non, tout le monde est bon dans le show, là. Fait que c'est très bon. Je sais pas si tu peux embarquer comme. Il est trop tard pour moi. Je pense que oui, il y a beaucoup de. Je pense qu'il faut que j'écoute 1000 épisodes pour m'en mettre à jour. Mais t'enverrais un, puis je pense que tu comprendrais pourquoi c'est bon, là, probablement. Même si tu comprends pas tous les pourquoi, puis c'est qui est qui, puis qui fait quoi, là. Mais c'est ça, ça s'explique ce phénomène-là. C'est rendu, ça fait trois saisons. Là. Trois saisons, puis ça va se finir cette année. Ben non, ça n'arrête plus d'augmenter les fait là, il faut qu'il y ait une autre intrigue, là. Il y a tout le temps d'autres intrigues. Il y a des petites. T'as comme une grosse intrigue principale puis plusieurs mini-intrigues là-dedans. OK, fait que pendant qu'il y a un gars qui collectionne des prostituées dans son sol, tu peux avoir un cas où il y a eu de la fraude dans une banque. Ouais, ou genre de la violence conjugale, ou un gars qui dit qu'il a tué sa femme puis qu'il trouve pas le cadavre, puis des affaires comme ça. Là. Il a tué sa femme et trouve pas le cadavre? Un monsieur que sa mère est morte de 2 ans, mais il l'a mis dans son congélateur au lieu d'appeler la police. Mais ouais, non, toi. Ah, il y a du monde fucké, là. Il se passe tout dans le district, c'est fou, là. Il y avait aussi l'affaire du gauleux qui avait fourré une policière. Là. Ouais, t'es encore là, elle. Genre, le gars, il faisait-tu partie du réseau de prostitution? Non, c'est comme une histoire à part. Là. Ça a duré 2 semaines? Ça a duré 2 semaines, ça n'a pas rapport. Mais c'est plein de petites anecdotes. Non, c'est la vie de bureau, Jeff, ça. Voyons. Voilà. Mais tout se passe au 31. C'est comme, qu'est-ce qui se passerait? Ou est-ce qu'il pourrait avoir une série District 32? Genre, CSI CSI New York. Des fois, tu sais, ça se croise-tu? Ils transfèrent du monde dans d'autres districts. Là, où il pour vrai, il y en a eu? Mais il y a eu des transferts. Il y a eu un gars qui est venu d'un autre district à un moment donné. Du monde connu, genre? Non, mais tu sais pas. Ça n'existe pas pour vrai, District 31. Là, Mais mettons. C'est fictif, là. Mettons Gilda Roy, genre, il est en tabarnak, puis il dit ah, fuck you, est-ce que District 31, puis il part un nouveau show, c'est District 32, puis Gilda Roy, c'est genre. Ça serait malade. C'est un spin-off, puis là, c'est d'autres. Il pourrait, mais ça se fera pas, c'est ben trop. Ça coûterait bien trop cher. Là, Luc Dion ne peut pas écrire deux séries en parallèle. Il ne faudrait pas que ce soit lui qui l'écrive. C'est une des grandes forces de Luc Dion, c'est lui qui écrit le show. T'sais. Ouais, Omerta, Pouf, Frank! Ah, écoute, Omerta, pour moi, c'était une des téléséries classiques pour moi. Prends l'écriture d'Omerta, mets-le dans une quotidienne sur genre 4 épisodes par semaine. Là. Ouais, parce que quand tu écoutes Omerta aujourd'hui, tu t'aperçois qu'il y a des fois, il y a des affaires genre. C'était dégueulasse. Là. Mais tu sais, c'est la bonne vieille télé des années 90, sauf que là, j'imagine qu'il s'est adapté aux mœurs d'aujourd'hui. Là. Et ça doit avoir des téléphones intelligents à eux-mêmes. Ah oh, non, mais c'est parce que c'est, tu comprends pas, il y a de l'écoute électronique et des affaires comme ça. Là. C'est quand même technologiquement avancé, ce show-là. Là. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Il crée-tu des puces dans un café pour pouvoir aller localiser quelqu'un? Ou? Non, mais il en colle en dessous des chars des fois. Ça ah, ils font ça? Ça peut arriver. Là, y a-tu une toune stressante pendant que le gars fait ça? Non, on le voit pas. C'est fait par l'équipe des squads tactiques. C'est pas les policiers. C'est qui l'acteur principal des squads tactiques? On sait pas, il y en a pas. C'est pas important. C'est District 31, le focus. C'est les gars et les filles du poste de police. Ok, fait que dans le fond, ils vont dire bon, ben, on va coller le gars pour installer le micro. Tu sais, des fois, il y a des prises d'otages. Le SWAT arrive, là, puis on s'en calisse. C'est qui est dans le SWAT? C'est juste le SWAT est là. Mais tu focuses sur le cas puis les policiers. Là. Mais genre, mettons, tu vois pas, le SWAT arrive, on va à la pause, puis après ça, c'est fini, puis le SWAT, ils ont réussi leur mission. Non, là. Non, non, t'es pas faire le SWAT, là. OK, fait qu'il y a du budget pour l'action. Oh oui, oh oui, non, c'est ça très... dessus, là. Ça s'est dessus, du monde qui meurt. Des personnages qui meurent, des personnages genre importants? Oui, les deux premiers lieutenants sont morts dans les deux premières saisons. Fait que oh c'est, shit! C'est quand même important. Là, y a-tu un lieutenant à chaque saison? À date, oui, parce que c'est la troisième. Oh, fait que Gilderoy pourrait peut-être crever. Non, Gilderoy, c'est. Ben oui, là, mais Gilderoy, c'est le sergent. C'est pas le sergent, c'est le chef de ce district-là. C'est qui le nouveau lieutenant? C'est Geneviève Brouillette. Ah oh, non! Ouais. Elle était bonne dans Virginie. Pas dans Virginie, je veux dire, dans Jasmine. Ou dans Hugo une fille. Ouais. C'est elle qui fait Geneviève. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. La liste noire aussi. Ouais, ça c'était avec Michel Côté. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est vieux. Là. Des classiques des années 90. Elle a aussi fait. Le poster, c'est une brassière. Le film de mariage avec François Morancy. Ah, oh, Chris, oui, je l'ai chez nous, la nuit de noces. Ouais, direct ça, la nuit de noces. J'ai acheté cette calice de film. Ouais, t'as ça en DVD. Eh hey, oui, Chris François Morancy, il était bon aussi. Ben, parlant, on va finir sur quelque chose, Jeff, parlant de film. Tu voulais nous faire une petite recommandation au film Gore? Hey oui, un film qui a été ovationné à Cannes. Nicolas Cage, en passant. Moi, j'ai aucun respect pour ce gars-là. Je sais pas si toi, il y a un temps où ce que tu l'aimais. Ah, c'est un dieu, Nicolas Cage. C'est le king du overacting. Mais tu l'aimais-tu? Ou tu l'aimes toujours. Je l'aime toujours, Nicolas Cage. Fait que t'es en train de me dire que t'es un... Mais j'ai réussi. T'as jamais eu une phase que tu l'aimais plus? Non. J'ai toujours trouvé très, très fou. Jeff, c'est un film pour toi, ça. Lui, et bien surtout la violence que tu m'expliques qu'il y a dans ce film-là. Écoute, c'est malade. Premièrement, c'est un film pour Fantasia, ça. C'était, en fait, je pense qu'il était à la Fantasia. Il a été présenté à Fantasia. À Cannes, il a été applaudi, ce film-là. C'est comme un genre de, entre guillemets, un hommage pour le heavy metal. Ça se passe en 83. Puis la musique, dans le fond, c'est du heavy metal. Mais tu sais, que je connais pas pantoute. Même que je te dirais que la cinématographie, là, ils ont, parce qu'à un moment donné, j'étais allé lire après ça les commentaires du réalisateur, puis il avait dit que la cinématographie, c'est comme un peu pour rendre hommage à des pochettes d'albums d'heavy metal. C'est que le ciel rouge avec des nuages, deux soleils, c'est un peu fucké. Puis l'histoire, c'est Nicolas Cage. Le film s'appelle Mandy. Ouais. Mandy, c'est la femme de Nicolas Cage. Lui, c'est un lumberjack. Avec du sang en face. Ah oh, ouais, puis dans le fond. Gaz à la face. Il demeure à Mountain View, je me trompe pas, c'est le nom de ta rue. Ouais, dis pas où est-ce que je reste, asti. Oh, des fans qui vont venir. Mais en tout cas, il demeure genre dans le bois avec sa femme. Puis tu vois que c'est un peu genre, écoute, c'est quétaine. Ils sont ensemble, ça parle de la planète qu'ils préfèrent le plus. Puis là, lui, il dit « Ah, moi, j'aime mieux Galactus parce qu'il mange les planètes. » Puis il acte de même, puis il y a des gros joues. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, elle s'en va travailler. Puis là, elle croise une vanne. Puis la vanne, c'est comme une secte satanique. OK. C'est des malades. Puis le gars, genre le chef, il voit la fille marcher dans le bois. Puis là, il la veut absolument. Fait que le plot de l'histoire, c'est qu'il se passe de quoi à cette fille-là. Puis Nicolas Cage, il veut se venger. OK? Mais le réalisateur, dans le fond, puis même, je te dirais, le producteur, c'est Elijah Wood. Ah oh, ouais, OK. Au début, il voulait que Nicolas Cage soit film le vilain. Film de vengeance. c'est ça. Il voulait que lui soit le vilain, puis lui, il a lu le scénario, il a dit non, non, je peux pas être le vilain, je veux être le héros. Puis il a dit oh, non, mais tu sais, je veux que ce soit du monde plus jeune, tout ça. Il a Elijah Wood, il a dit non, non, ça prend Nick Cage. Puis on a demandé à Nick Cage de acter out son talent de malade mental pour faire ce film-là. Puis écoute, il y a non seulement la secte, mais il y a aussi des motards cannibales. Puis la seule façon qu'il puisse apparaître, c'est quand que quelqu'un pogne une roche puis qu'il siffle dedans pour qu'il puisse venir. Puis eux autres, là, ils mangent des corps. Fait qu'il faut que ça sacrifie du monde pour les manger. Ils font faire leur job sale. À un moment donné, Nick Cage, là, il les confronte, là. Puis je te jure, là, le gars, il est dans un trip où il prend de la drogue comme jamais. Il a la face pleine de sang. Puis il attaque du monde avec des chains. Il y a un combat à l'épée. Puis c'est des chains, ça. Calvaire. Écoute, à un moment donné, il pète sa coche en bobette dans les toilettes parce qu'il vient de voir sa femme, genre, mourir. Dans le fond, c'est une famille de vengeance. On se le cachera pas, là. Il est comme ah! Ah! Puis tu sais, je t'envoie la scène. Ouais, ouais. Il se prend en bobette dans la salle de bain. Il cherche à le cale du fort, là. Il cale du fort. Qui a du fort pour vrai. Je pense que c'est du vrai fort parce qu'à un moment donné, il arrête comme ah! Ah! Puis là, il se tient la gorge comme si ça, il brûlait. Puis il recale tout ça. Metal acting. Puis c'est juste de ça pendant tout le long du film. Le gars, il va pas bien. Puis écoute, c'est tellement fucké, là. Je vais juste compter une scène. Je m'excuse si je spoil. Ceux qui veulent pas que je spoil, écoutez pas cette scène. C'est la fin du podcast, anyway. Fait que... Ouais, fait que c'est comme juste ce bout-là. Écoute, à un moment donné, GF, là, le gars, il réussit à avoir la femme de Nicolas Cage. Puis là, il commence à y faire un speech. Puis il est en jaquette. Puis il est comme, hey, toi, là. Puis à un moment donné, genre, il défait son poncho, là, puis il monte sa graine. Puis la fille, ils l'ont drogué avec une genre de bébite, puis c'est comme, elle est plus là pantoute. Puis elle rit de son pénis. Fait que le gars est comme, stop laughing at me! Puis là, tu vois qu'il gueule, puis là, j'ai vu que la fille est droguée, genre, il commence à avoir une voix de démon, le gars, puis c'est l'enfer. Puis c'est à cause de tout ça qu'il décide de mettre fin à la vie de elle parce qu'elle rit de son pénis. Écoute, à un moment donné, genre, le gars, pas rapport, tu sais, Nicolas Cage, il fait son carnage, puis c'est dégueulasse, là, puis c'est tout le temps en rouge, là, l'image. Là, tu vois la confrontation avec le gars. Puis le gars, il commence à dire, le destin nous a amenés dans le droit chemin, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, Nicolas Cage, il pitch une tête, le gars fait, ah! Ah! T'sais, il crie comme une petite graine, puis il commence à gueuler, I'll suck your dick! I'll suck your dick! Puis Nick Cage, il parle avec une voix, genre, de Dieu. Non. Écoute, c'est débile. Tu me le vends. Puis écoute, puis l'affaire, c'est que j'ai écouté le film deux fois de suite. Okay. Parce qu'au début, j'ai trouvé ça comme un peu long, fucké. Puis après ça, j'ai comme commencé à catcher ce qu'il voulait présenter. Fait que c'est vraiment un film pensé, très intelligent. Ça aurait pu être nominé aux Oscars, là. Ça aurait pu prendre la place à Black Panther. Je suis déçu. Non, c'est vrai, je te jure. Même Nick Cage, mais je te dis, il mériterait une nomination au moins pour meilleure performance. Parce que c'est une lettre d'amour au heavy metal, puis tu comprends dans le fond ce que Nicolas Cage vit. Parce que Nicolas Cage. Dans le film, ils vont pas aller avec. Comme mettons un film pour ordinaire, si tu vois le background de quelqu'un, tu vas avoir comme mettons un flash, puis il va montrer le gars qu'est-ce qu'il faisait. Là, il faut que tu écoutes ce qu'ils se disent, parce qu'ils te donnent des ingrédients sur le passé des personnages que tu catches. Puis à un moment donné, le gars, genre, il s'en va avoir quelqu'un pour s'armer. Puis il fait juste lui dire un petit quelque chose. Puis là, tu catches. Ah, si, c'est pour ça qu'à la fin, il est de même. Puis il est fucké ben raide, là. Puis je te dis, là, c'est. Écoutez ça, c'est extrêmement violent. Mais c'est pas de la violence à la décadence. Non? Ça s'écoute bien. OK. Genre, je pense que Caro pourrait l'écouter sans. Ah, mais Caro, elle a mis à faire gore. Fait que ça, y a pas de problème. On a écouté les bonnes saisons de Walking Dead. Là. Mais si tu. Mais tant qu'il n'y a pas d'animaux qui meurent, est correct. Genre, un gars se fait détruire la tête avec un bat de baseball, ça, elle va rire, mais un chien qui se fait tirer une balle, elle va pleurer. Mais ça, non, ça va être vraiment un trill. Écoute, je te dirais que le film est divisé en deux, puis la vengeance commence à la deuxième partie du film. OK. Mais ça arrête pas, là. Puis c'est Nick Cage à son meilleur qui pète sa coche, puis qui se met une armure de cuir pour aller combattre le mal. Puis le gars, là, c'est une machine à tuer, là. C'est comme un boogeyman, c'est Nick Cage. Ah, Nick Cage. Quoi avoir mieux que ça? C'est Nicolas Cage, toujours Mandy. À son top. Mandy. Ah, non, c'est hallucinant, là. M-A-N-D-Y. Hey, je donne un 9 sur 10, c'est juste pour aller. Wow, Mandy, quand même. Puis même sur. C'est Netflix, ça? Non, malheureusement, donc je l'ai trouvé sur les internets. Je vais le pirater, moi, checker ça. Mais écoute, Jeff, c'est. Ben, c'est la Fantasia, déjà, à partant, je suis vendu, là, fait que. Ah, écoutez-le. Je trouve ça plate parce que c'est un film. C'est pas le genre de film qui aurait pu être au cinéma puis rapporter beaucoup d'argent parce que c'est clair, pas pour c'est tout des... le monde. C'est un film plus indépendant. C'est un film de genre, ouais, ouais. Je sais pas si je peux appeler ça de même. Ouais, ouais. Mais si que c'était divertissant. Vraiment, là. Zendaya qui demande, il dit comparé à John Wick, ça donne quoi? John Wick prend des guns, Nick Cage, c'est des épées, couteaux, flèches. Puis je te dirais que John Wick va se battre contre des criminels, mais Nicolas Cage se bat contre des motards cannibales qui parlent... c'est, on dirait que ce n'est pas humain. Puis du monde, vraiment, une secte. C'est comme si c'était Raël qui décide de péter sa coche, puis Nick Cage, il s'en prend parce que dans le fond, lui, dans sa clique, mettons, son chum, c'est brother un tel, ouais, la mère, c'est mother un tel, puis les enfants, c'est ci, c'est ça. C'est fucké. Puis l'affaire qui est bizarre aussi, c'est que le chef satanique, c'est le gars qui joue le rôle du père de Bruce Wayne dans la trilogie de Dark Knight Rises. Là, c'est jamais on c'est bon, okay. Mais c'est plus, je te dirais, horreur que John Wick. OK. Mais il y a beaucoup de rouge. C'est deux films complètement différents. J'espère que ça répond à la question Zendaya. Je l'espère aussi, oui. Fait que c'était la suggestion cinéma de la semaine. Mandy. Pour l'épisode numéro 98, et ça fait le tour de notre épisode 98. On approche du centième, hein? Tant qu'il va pas vite. On vous rappelle qu'on va rien faire de spécial probablement, puis ça va être un épisode bien ordinaire. Ah, il faudrait qu'on sorte le Jameson. Spécial. Il faudrait qu'on sorte le Jameson. Non, parce que là, je pense que je périrais maintenant. Il y a un divan lit juste là, au pays. Là. C'est, ça prendrait une poubelle. Avec une poubelle, puis une toilette à côté. Quand même. Mais faut que je me rende. Ouais, ben, t'as comme quatre pas à faire à peu près. J'ai peur de vomir dans la litière. Ah, c'est là pour ça. C'est là pour ça. Le chat va venir licher après ça dans le tiers. Arc! Je dégasse. Arc! Mais bon, c'est ça. Ça fait le tour de l'épisode 98. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook. Yes. At la Jazette et puis la Jazette sur Facebook. Et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Bye.